Si tu t'en vas, tu te souviendras de moi. Tu verras qu'une vie, ça ne suffit pas. Le grand amour, c'est un pouvoir qu'on n'achète pas. Oui, je sais que tu veux me quitter. Oh oui, que tu veux me quitter. Mais je ne t'oublierai jamais. Je veux que tu m'aimes. Ne fais pas semblant. Non, ne fais pas semblant. Non, non, ne fais pas semblant. Je me sens seul dans mon cœur, prisonnier de l'amour que j'ai pour toi. Je veux que tu m'aimes. Ne fais pas semblant. Je me sens seul dans mon cœur, prisonnier de l'amour que j'ai pour toi. Je veux que tu m'aimes, je veux que tu m'aimes, que tu m'aimes. Je veux que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oui, je souffre. Non, je ne t'en veux pas. J'ai pensé que j'ai tout pour toi. J'ai besoin de ton regard qui brille comme une étoile perdue dans l'espace. Oui, je sais. Je ne t'oublierai jamais. Non, non, non. Je veux que tu m'aimes. Ne fais pas semblant. Non, ne fais pas semblant. Non, non, ne fais pas semblant. Je me sens seul dans mon cœur, prisonnier de l'amour que j'ai pour toi. Je veux que tu m'aimes. Ne fais pas semblant. Je me sens seul dans mon cœur, prisonnier de l'amour que j'ai pour toi. Je veux que tu m'aimes, je veux que tu m'aimes, que tu m'aimes. Je veux que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oui, je souffre. Non, je ne t'en veux pas. Non, je ne t'en veux pas. J'ai pensé que j'ai fait tout pour toi. Oh oui, pour toi. Oh oui, pour toi. Oui, je sais. Je veux que tu m'aimes. Ne fais pas semblant. Je me sens seul dans mon cœur, prisonnier de l'amour que j'ai pour toi. Je veux que tu m'aimes. Ne fais pas semblant. Je me sens seul dans mon cœur, prisonnier de l'amour que j'ai pour toi.